Oxide on the beat. Qu'est-ce qu'il y a? Picanto comme une caisse qu'il y a. J'débarque façon bestiale. À chaque rime un festival. J'suis du lot à la célestiale. Bean, à la télé y'a rien à part de la NBA sur Bean. Quand tu me vois sur ton tel, en vrai tu danses la begin. J'avoue j'suis naze pour faire ma pub, j'aime pas lobby-in. J'rappe pour les zoulous et les zoulettes. Précieux comme ta dernière boulette. J'me mets la pression russe et la roulette. Ça fait des coques mais j'vois que des poulettes. Libre, libre, personne m'achète. J'ai le flow qui tranche comme un coup de machette. Gros bas de bout de bang bang bang. J'ai la gâchette facile comme James Harden. Souvent sur la défensive, S.O. le Madison Square Garden. Parfois la vie j'en ai marre d'elle. Y'a pas de super-héros, y'a pas de Zeri ou dans des Marvel. Personne ne cherche la vérité. Les gens veulent tous avoir raison. On a le monde qu'on a mérité. Il pleut dans nos cœurs toutes les saisons. Personne ne cherche la vérité. Les gens veulent tous avoir raison. On a le monde qu'on a mérité. Il pleut dans nos cœurs toutes les saisons. Un drôle d'esthète sorti de la piste. Je m'en bats les steaks de ce que la corde donne. Les démons sont mes fils, j'ai fait compter la gorgone. Je fous le dawa dans le studio ou la cuisine comme Gordon. C'est tant que l'instru claque, je donne le blues d'Eric Clapton et la malice de Loki. Lyrical 35 tonnes, affamé comme le gros Choji. Envoie le soju, le rhum ou l'alcool de riz. On boit tout jusqu'à ce que la prod se plie. Et cramé, crois-moi, encore plus d'inspi. On est là, stickant nos guns comme des vétérans de guerre. Venu faire un gangbang à la langue de Molière. 2024, plus personne ne se tolère, c'est mort frère. Sans comme il pue la merde, ce soi-disant monde moderne. Le temps passe mais n'attends pas, t'inquiète pas. Quand tu rêvas, on surveille nos proies. En affûtant nos cerfs comme les aigles d'Atlanta. Flashjack, Zeriou, alter mutant homicide. La racine trop facile. Les frères Mapogo te fascinent. La prod on la calcine. Personne ne cherche la vérité. Les gens veulent tous avoir raison. On a le monde qu'on a mérité. Il pleut dans nos cœurs toutes les saisons. Personne ne cherche la vérité. Les gens veulent tous avoir raison. On a le monde qu'on a mérité. Il pleut dans nos cœurs toutes les saisons.